Chapitre 12e, le rapt. Hector de Livran, après sa sortie de la maison de santé du docteur Carvarox, avait reconduit Carmela à son hôtel, puis, sous prétexte de se rendre à son entresol de la rue d'Anjou, il avait pris aussitôt congé d'elle. Mais ce ne fut pas à son entresol qu'il se rendit tout d'abord. Placé sous la main despotique de M. Mélinet, il avait à lui rendre compte des résultats de son voyage à Vannes avec Mme de Saint-Loco. Lorsqu'il eut appris au capitaine tout ce qui s'était passé, celui-ci se frotta les mains avec un air de satisfaction. « Le bâtard est devenu fou, tant mieux, » dit-il. « Il aurait été plus gênant que le vrai duc. À présent, il s'agit de mener les choses rondement. Et pour cela, battre monnaie avec la duchesse en lui enlevant sa fille. » Le vicomte demeura un moment abasourdi. « Qu'as-tu, mon fils ?» lui demanda Mélinet Marescot. « Mais votre projet est aussi celui de Carmela. Pas possible. C'est comme je vous le dis. » « Après tout, cela ne devrait pas m'étonner, » reprit le capitaine. « Cette drôlesse a de bonnes idées toutes les fois qu'il est question de faire le mal. Eh bien, puisqu'elle et moi, nous nous sommes si bien rencontrés, tu le couleras en douceur que tu vas agir pour son compte, et naturellement, tu travailleras pour celui de notre société. Ta Dulcinée ne perdra pas grand-chose, puisqu'elle ne devait rien avoir des millions qu'elle gagnait. Ensuite, » fit l'exténor qui flaire une corvée désagréable, « dans quelques jours, quand j'aurai combiné mon plan, tu retourneras là-bas d'où tu viens, tu y rejoindras le cormoran qui aura reçu mes instructions, et à vous deux, vous exécuterez la chose. C'est toi qui en auras la direction et l'honneur. Comment ? Voulez me fourrer dans l'enlèvement ? » dit Hector, effrayé des dangers que présentait l'entreprise. Mais il avait été convenu entre nous que je ne prendrais part à aucun coup de main. Une fois par hasard, ça ne compte pas, mon fils. Cependant, monsieur Mélinet, j'ai dit ! Interrompit le capitaine d'un ton d'empereur romain. « Ainsi donc, tiens-toi prêt à partir le jour que je t'indiquerai. Au revoir, perroquet, et attends mes ordres. » Le vicomte sortit la tête basse. La perspective de jouer un rôle actif dans le rapt projeté l'épouvantait outre mesure, mais le terrible Mélinet avait parlé et il lui fallait obéir. Madame Cormoran, forte comme la femme de l'écriture, attendait patiemment dans sa baraque des bords de la Seine le retour de l'époux idolâtré et remplissait les loisirs de son veuvage temporaire en allaitant son dernier-né et en témoignant son affection maternelle à ses deux autres mioches par des corrections aussi justement bien appliquées. Avec une telle femme, le Cormoran pouvait dormir tranquille, certain qu'il retrouverait la maison de l'état où il l'avait laissée. Sémiramis n'était pas d'humeur à se laisser compter Fleurette, même par les plus sémillants Adonis de son quartier. Elle n'avait qu'un seul travers, cette boulotte exemplaire, et ce travers, on le connaît, c'était une ambition dévorante. Ainsi que Léonce de Folfeuille, elle rêvait une honnête aisance bourgeoise, sous la forme d'une ferme sise en province, avec des prés verts devant, des bois derrière, le tout accompagné d'un potager bien fourni en légumes et de trois vaches laitières. Elle était plongée dans ses rêves de grandeur lorsque le colibri vint, le jour même de la visite d'Hector rue des Saules, la trouvait de la part de M. Mélinet et l'informait que le maître l'amendait. Cet appel lui causa une certaine inquiétude. Jamais elle n'avait été admise à l'honneur insigne de voir de près le chef des compagnons de l'Arche de Noé, et un instant, elle craignit qu'un malheur ne fût arrivé au père chéri de ses trois enfants. Mais le colibri dissipa ses craintes, et lui affirma de la manière la plus péremptoire qu'on n'avait reçu aucune fâcheuse nouvelle sur le compte de Cormoran. Elle s'en fut alors trouver une veuve de ses voisins, à laquelle elle confia sa marmaille pendant son absence, puis elle gagna l'omnibus qui part du quai de Bercy, prit à la Bastille une correspondance qui la conduisit au milieu de la chaussée Clignancourt, à peu de distance de la rue des Saules. La conférence qu'elle eut avec M. Mélinet dura une demi-heure, et les instructions qu'il lui donna furent des plus minutieuses. À la suite de cet entretien, elle acheta, avec l'argent que le capitaine lui avait remis, une de ces petites voitures à deux roues dont se servent les industriels qui courent les foires et les campagnes. Cette voiture, recouverte d'une toile imperméable fixée à des cerceaux, pouvait abriter non seulement des marchandises, mais encore le conducteur, qui, placé sur un assez bon siège, se trouvait dans une sorte de cabriolet séparé de l'intérieur par des rideaux en cuir. Elle se rendit ensuite au marché aux chevaux et y fit acquisition d'un vieux petit bidet qui avait de bons restes. La carriole et la bête, payées en beaux louis d'or, devaient lui être livrées le lendemain matin. Du marché aux chevaux, elle alla rue d'Aboukir, entra dans un magasin spécial, acheta plusieurs grosses de chapelets, de petites croix en cuivre doré, une collection d'images grossièrement enluminées, représentant la Sainte Vierge et tous les saints du calendrier, fit faire un ballot de tout et solda le montant de la facture avec recommandation express de le porter immédiatement dans la boutique où elle avait acheté la carriole. Il faisait nuit lorsqu'elle rentra chez elle. Elle trouva sa voisine qui venait de coucher les enfants. Elle l'invita à souper. L'invitation fut acceptée avec empressement. Après le souper, Sémiramis annonça à la veuve qu'elle avait un service à lui demander. « Si c'est possible, je me ferai un plaisir de vous le rendre. »« Voilà la chose, » dit Madame Cormoran. « Mon mari, qui est dans le Poitou, comme vous savez, auprès de sa tante qui était malade, vient de m'écrire que la pauvre vieille est morte. »« Alors, vous héritez, ma voisine. » »« Précisément. » Mais ce qui me tracasse, c'est que mon homme est un véritable enfant pour les affaires d'intérêt, et je veux voir les choses par moi-même. Vous avez bien raison, ces hommes de loi, quand ils fourrent leur nez dans une succession. Oui, mais voici l'embarrassant, interrompit Sémiramis. Je ne peux emmener mes deux aînés, et si vous vouliez vous charger d'eux pendant une quinzaine de jours, vous me tireriez tout de même une fameuse épine du pied. Puis elle ajouta, en sortant de sa bourse une demi-douzaine de pièces de 20 francs, il va sans dire que je vous donnerai de quoi largement servir la pâté aux mioches. Avec cet argent-là, je me charge de les nourrir grassement pendant tout un mois, répondit la veuve, avec un empressement qui n'était pas désintéressé, car elle comptait bien prélever une forte prime sur les 120 francs qui lui étaient offerts. Alors vous acceptez? J'accepte, ma chère voisine, puisque cela vous rend service. De plus, vous pourriez vous installer ici. La maison n'est pas un palais sans doute, mais elle est commode. C'est convenu. « Je partirai demain matin à 8 heures. »« À 8 heures moins le quart, je serai ici, ma voisine, » répondit la veuve. Le lendemain, à 8 heures du matin, Sémiramis, après avoir confié ses deux aînés à la voisine, les embrassa tendrement, puis il sortit de sa masure avec son nourrisson dans les bras et se dirigea vers le marché aux chevaux. La carriole, le bidet et les marchandises l'attendaient. Le bidet fut attelé à la carriole dans laquelle on plaça les marchandises. Sémiramis monta sur le siège, tenant son bébé sur ses genoux, puis il donna un vigoureux coup de fouet au cheval qui partit avec un de ses trots modérés qui promettent de se soutenir longtemps. M. Mélinet, dans son entretien avec Mme Cormoran, lui avait remis un itinéraire détaillé des routes qu'elle devrait suivre et les auberges dans lesquelles elle s'arrêterait, et elle se conforma scrupuleusement au programme tracé par le chef de la Société des Compagnons de l'Arche. Le matin du 9e jour de son voyage, au moment où elle venait de quitter le village de Roque-Saint-André, elle aperçut à une centaine de pas un individu qui s'en venait à grandes enjambées dans le sens opposé. À la vue de cet individu, dont la longue silhouette se dessinait au sommet de la montée qu'elle allait gravir, un nuage passa sur les yeux de Sémiramis, un nom sortit de sa bouche, celui du cormoran. Son cœur ne l'avait pas trompé. C'était bien son cher cormoran qui avait échangé ses haillons contre des vêtements convenables et accourait à sa rencontre. Lorsque le cormoran eut rejoint la carriole, il arrêta le bidet et grimpa lestement sur le siège à côté de sa femme. Nous ferons grâce à nos lecteurs des tendres épanchements des deux époux qui continuèrent à faire route ensemble. « Ce n'est pas sans motif, dit-il à sa moitié, que je suis venu de Bannes jusqu'ici. Une fameuse étape, tout de même, 14 à 15 kilomètres. Je voulais conférer avec toi cela seul de la chose en question, car tu comprends, il ne faut pas qu'on nous voie ensemble à Ébène. Où tu vas t'arrêter et où tu attendras le poupon que tu dois allaiter avec le nôtre. C'est l'enfant de la duchesse qu'on veut enlever, pas vrai? Demanda la grosse Sémiramis. Oui, et qui rapportera une fameuse somme à la société. Madame Cormoran garda le silence pendant quelques secondes, puis, serrant le bras de son mari d'une manière significative, « Eh bien, mon homme, cette fameuse occasion dont je t'ai souvent parlé, la voici enfin venue. » Toujours ta tocade, reprit le cormoran en levant les épaules. Nous recoserons de cela plus tard, repartit la boulotte. Pour le moment, explique-moi ce que j'aurai à faire à Elben, en attendant que le coup soit exécuté. Tu t'installeras d'abord à l'auberge de Notre-Dame d'Auray, qui est l'entrée du bourg. Après, puis, pour ne pas éveiller de défiance, tu démarreras aussitôt tes bibelots et tu iras les proposer aux habitants. Ensuite, tu n'auras pas longtemps à attendre. Le perroquet doit arriver ce soir à Bannes et l'enlèvement aura lieu aujourd'hui dans la nuit. Une fois l'enfant enlevé, le perroquet et moi nous montrons dans une charrette pour te l'apporter. Tu quitteras ton auberge demain matin à 5h30 et nous te le remettrons à 6h sur la route d'Elben. de cette façon, ni vu ni connu, et tu t'en retourneras tranquillement à Paris sans que personne n'ait pu soupçonner la manigance. Et toi, quand te reverrai-je, je te rejoindrai en chemin. » Tout en causant ainsi, il venait de dépasser le hameau de Pont-Guillemet, et déjà l'on apercevait les tours d'Elven, reste d'un château autrefois remarquable. Mais le Cormoran et Sémiramis n'étaient pas archéologues, et ce fut sans y prêter la moindre attention qu'ils virent se dresser devant eux la belle tour du donjon avec ses 40 mètres de hauteur et ses 5 étages. « C'est ici qu'il faut nous séparer, » dit l'échelle à sa moitié, et il sauta à bas de la carriole. Cette brusque séparation déchirait le tendre cœur de Sémiramis, et pour faire diversion à sa douleur, elle appliqua un énergique coup de fouet à son bidet qui, au bout de 5 ou 6 minutes, entrait gaillardement dans la cour de l'auberge qui portait pour enseigne à Notre-Dame d'Auray. Le Cormoran, après avoir donné à Sémiramis les instructions que nous connaissons, avait regagné la tour aux mouettes où Hector devait le rejoindre dans la soirée, et fatigué de la longue course qu'il venait de faire, il se jeta sur son lit et ne tarda pas à s'endormir. Il dormait depuis longtemps lorsqu'un bruit l'éveilla en sursaut. Il regarda autour de lui, la nuit était arrivée. « Cormoran ? » dit une voix. « Ah, c'est toi, perroquet, » répondit-il. « Attends un peu, je vais allumer. » Il tira un briquet de sa poche et il alluma une chandelle. Le vicomte avait échangé son élégant costume habituel contre celui d'un voyageur de commerce. « Quelle heure est-il donc ?» demanda le Cormoran en se frottant les yeux. « 9 heures, » dit Hector. « C'est bien. Nous avons 2 heures devant nous pour causer de nos petites affaires. » Et pour souper, si c'est possible, car je meurs de faim. On a pris ses précautions, perroquet, attends-moi un peu. » Le mari de Sémiramis monta au grenier, et peu après, il redescendit avec une bouteille de vin, du pain et un énorme morceau de jambon. Il dressa le couvert sur une vieille table qui avait grand-peine à se tenir d'aplomb sur ses pieds fortement endommagés. Le vicomte, qui était à jeun depuis le matin, fit honneur à ce maigre repas, et le petit bleu qu'il but lui parut excellent. « Eh bien, mon vieux, tu sais, c'est pour cette nuit, » dit le Cormoran, quand on fut au fromage. « Je le sais, » répondit l'ex-ténor, « mais tu es bien certain que nous ne serons pas dérangés pendant l'opération. Les serviteurs du château qui logent dans les combles seront dans leur premier sommeil, donc rien à craindre de ce côté. Mais la duchesse, elle sera de faction cette nuit auprès du vieux marquis. Comment cela ? Le patron ne l'a pas prévenu ? Prévenu de quoi ? Je comprends. Il a voulu me laisser le plaisir de te faire une surprise agréable. Quelle surprise ! Dis vite ! Le marquis est alité depuis une semaine par suite d'un refroidissement qu'il a attrapé à la chasse, et le duc et la duchesse passent à tour de rôle la nuit auprès de lui à le veiller. Hier, c'était le tour du duc. Cette nuit, c'est le tour de la duchesse. Elle se trouva donc éloignée de sa fille, puisque son oncle habite l'aile gauche du château et qu'elle occupe l'aile droite. Très bien, mais le duc ? Sa chambre à coucher est au premier étage au fond d'un corridor et on pourrait dévaliser le rez-de-chaussée sans qu'il se doutât de la chose. Hector de Livran eut un soupir de soulagement. « Tu le vois, perroquet ?» continua son estimable collègue. « Nous avons la partie belle à moins que... »« À moins que quoi ?» interrompit l'ex-ténor avec un tremblement dans la voix. « À moins que ce Morico ne vienne nous jeter des bâtons dans les jambes. »« Quel Morico ? Parbleu, le Texien !» Pedro Diaz est de retour au château, dit le vicomte avec effroi, depuis 10 jours. Mais s'il lui prend fantaisie de vouloir se mêler de nos affaires, je réglerai bien vite son compte avec mon casse-tête. Et lorsque l'enfant sera enlevé, où la transporterons-nous ? Demanda Hector, complètement rassuré par les paroles du Cormoran. À 10 kilomètres d'ici, sur la route d'Elben, où ma femme attendra dans sa carriole. Mais comment la transporter jusque-là ? Dans une charrette, mon garçon. « Mais cette charrette, comment se la procurer ? Elle est à ma disposition depuis 4 jours et nous n'aurons qu'à aller la prendre à 10 minutes de chemin d'ici. »« Tu t'es donc entendu avec son propriétaire ? Me crois-tu assez naïf, perroquet, pour mettre un intrus dans la confidence de notre coup de cette nuit ?» répliqua le Cormoran d'un ton de vanité blessée. « Voici la chose. Un de mes voisins a été forcé ces jours derniers de partir pour Brest où il doit passer une semaine. » Il m'a prié de surveiller son absence, son petit lopin de terre, et d'avoir soin de son cheval. Comprends-tu maintenant ? Parfaitement. Mais qui ramènera la charrette quand ta femme aura pris l'enfant ? Moi, parbleu. Ces explications données, Hector et le Cormoran se consultèrent pour savoir s'ils s'introduiraient dans la place par le mur ou par la brèche du parc. Tous les deux, d'un commun accord, s'arrêtèrent à ce dernier parti comme étant le plus prudent. L'heure doit approcher, dit bientôt le cormoran au vicomte. 11h05, répondit celui-ci après avoir regardé à sa montre. Quelques lignes à relire et je suis à toi. Il tira de son portefeuille une lettre sous enveloppe non fermée et dont la suscription n'était pas en caractère tracé à la main. Il l'ouvrit, la parcourut attentivement, la replaça dans son enveloppe et la mit dans l'une des poches de côté de sa jaquette. « En route » dit-il en se levant. Le ciel avait été menaçant pendant toute la journée, et au moment où les deux compagnons de l'Arche de Noé sortaient de la tour aux mouettes, la pluie tombait froide et large. « Fichu temps !» dit Hector. « Excellent, au contraire, pour une expédition comme la nôtre, » reprit le cormoran en lui emboîtant le pas. Le cormoran et Hector contournèrent le mur du parc, et un quart d'heure après, ils pénétraient dans le château par la brèche où, 15 jours auparavant, Don José s'était glissé avec l'intention de tuer le duc Jean. De là, ils gagnèrent le pavillon dans lequel le bâtard avait été conduit après l'avortement de son dessein fratricide. Le château, à l'exception de 2 fenêtres du rez-de-chaussée, était plongé dans une obscurité profonde. L'une de ces fenêtres, située à l'extrémité de l'aile gauche du vieux manoir, était celle de la chambre à coucher du marquis de Kerdal, près duquel veillait la duchesse de Clodion. L'autre, à l'extrémité de l'aile droite, s'ouvrait sur la chambre de la nourrice de la petite Jeanne. À travers les persiennes fermées de cette chambre, apparaissait une lueur blafarde, produite par une veilleuse que la nourrice laissait allumer toute la nuit pour le cas où l'enfant viendrait à s'éveiller. « C'est là qu'est la fille de la duchesse, » dit le cormoran en désignant cette fenêtre. « Tu te chargeras d'elle, en ta qualité de chef de l'expédition, moi je me chargerai de la nourrice. » Du pavillon où ils étaient, ils se dirigèrent à pas de loup jusqu'au rez-de-chaussée de l'aile droite. Le cormoran, par mesure de précaution, avait retiré ses chaussures, mais le vicomte n'avait pas jugé à propos de suivre son exemple. Jusque dans l'accomplissement d'un crime, il restait chez lui quelque chose du grand seigneur fourvoyé. La chambre de la nourrice se trouvait séparée de celle de Fernande par une petite pièce avec une porte-fenêtre qui se fermait à l'intérieur par une espagnolette. Il suffisait donc pour ouvrir cette porte d'enlever un carreau et de passer la main. Toutefois, le carreau coupé devait forcément tomber à l'intérieur et faire grand bruit en se brisant sur le parquet. Mais Hector, comme acteur principal, avait tout prévu. Il tira de sa poche une boule de cire molle et l'appliqua sur le carreau qu'il coupa ensuite avec le diamant de sa bague, un cadeau de Carmela. Un léger grincement se fit entendre pendant l'opération, mais rien ne bougea dans la chambre de la nourrice. Le bruit des bagues qui déferlaient au pied de la falaise, le vent qui soufflait avec violence et le clapotement de la pluie qui tombait toujours favorisaient leur audacieuse entreprise. Lorsque le carreau eut été coupé, Hector, par un mouvement sec, tira à lui sa boule de cire qui amena la feuille de verre. Encouragé par ce premier succès, il passa son bras, souleva doucement l'espagnolette et la porte-fenêtre s'ouvrit. Il s'efface alors pour faire place à Cormoran qui entra dans la chambre de la nourrice, puis l'y suivit. Le cormoran, après avoir imbibé son mouchoir de chloroforme, s'avança sans bruit vers le lit de la nourrice qui dormait de ce premier sommeil de plomb habituel aux gens de la campagne. La veilleuse, placée sur une table de nuit, éclairait ce sinistre spectacle. Le cormoran, qui s'était penché sur la dormeuse, dont la figure était tournée du côté de la ruelle, allongea la main qui tenait le mouchoir et lui en enveloppa la tête. Mais quelque rapide que était ce mouvement, la nourrice, brusquement réveillée par la suffocation, avait poussé un cri, puis elle était retombée comme foudroyée. Ce cri avait-il été entendu? Telle était l'interrogation que s'adressaient tacitement les deux misérables lorsqu'un bruit venant de l'extérieur arrivait jusqu'à eux. « Prends l'enfant !» dit le cormoran à Hector en s'armant de son casse-tête. « Je vais protéger notre fuite !» Il courut vers la porte. Mais au moment où il allait l'atteindre, un homme, dont il ne pouvait distinguer les traits, se dressa dans l'ombre. Le cormoran se précipita sur lui, son arme terrible à la main. Quel était cet homme? Pedro Diaz, lorsque la nourrice avait poussé un cri, se trouvait dans cet état vague qui tient le milieu entre la veille et le sommeil. Ce cri lui était arrivé confus et un instant il se demanda s'il ne s'était pas trompé. Toutefois, il sauta là à tabac de son lit, s'enveloppa dans sa robe de chambre, mit ses pantoufles et se dirigea vers la chambre de la nourrice d'où le cri lui semblait parti. Comme la porte de celle-ci était demeurée ouverte, il put apercevoir dans la demi-obscurité un homme qui s'avançait vers le berceau de la petite Jeanne. Il voulut alors s'élancer vers cet homme, mais dans le même moment, le cormoran s'était rué sur lui et lui avait porté un coup furieux de son casse-tête. Tout avait tourné autour de lui et il était tombé lourdement sur le parquet, sans avoir même entrevu les traits du visage de son agresseur. Hector, débarrassé du Texien, allait s'emparer de la fille de la duchesse de Clodion quand une main étreignit le cormoran à la gorge. Un nouveau personnage venait compliquer par sa présence cette scène horriblement dramatique. Le vicomte, à la vue de la personne qui était entrée, recula de plusieurs pas et, dans son effarement, ne songea plus à la petite Jeanne. « Angèle ! » s'écria-t-il. Cependant, le cormoran, tout en cherchant à se dégager de l'étreinte de la jeune femme, ne s'était pas dessaisi de son casse-tête et il se disposait à l'en frapper quand Hector lui arracha des mains l'arme meurtrière. « Cette femme est la mienne, laisse-la !» Angèle, en entendant la voix de son mari, poussa un cri terrible. « Silence !» lui dit ce dernier. Angèle regarde le vicomte avec égarement, se demandant s'il n'était pas folle. « Vous, vous » fit-elle. Telle était sa stupeur que ses mains nouées autour du cou du cormoran se détendirent et le bandit se trouva tout à coup libre. « Ta femme, c'est possible, » grogna-t-il en se tournant vers le vicomte. « Mais il s'agit ici de notre peau, camarade, et comme je n'en ai pas de rechange, j'ai la faiblesse de tenir la mienne, donc je vais prendre mes garanties. » Se disant, il détacha les cordons des rideaux du lit de la nourrice et après avoir poussé Angèle Maréchal sur un fauteuil, lui lia solidement les pieds et les mains. La pauvre femme, écrasée de douleur, se laissa faire sans opposer aucune résistance. « Faut-il la bâillonner ?» demanda le cormoran quand il eut terminé. « Inutile, » dit Hector. « J'ai besoin de causer avec elle. Prends l'enfant et attends-moi dans le pavillon. » Le cormoran, sans répondre, courut au berceau. Angèle, comprenant l'intention du misérable, voulut crier. Son mari lui met la main sur la bouche. « Tais-toi, ou l'échafaud m'attend. Tiens, regarde !» Et du doigt, il lui désigna le corps sanglant de Pedro Diaz, gisant à terre, et la nourrice inanimée dans son lit. La malheureuse femme regarda, et elle se prit à trembler. Ses dents claquèrent comme dans un accès de fièvre, puis à voix basse, bien basse, elle murmura. « Vous, Hector, vous, un assassin !» Pendant cet échange de paroles, le cormoran s'était emparé du berceau de l'enfant sans avoir été vu par Angèle, et il avait disparu. « Ce n'est pas moi qui l'ai frappé !» répondit l'ex-ténor. « Du reste, c'est sa faute. Pourquoi est-il venu nous déranger pendant notre besogne ?» Ces paroles cyniques rappelèrent à Angèle toute l'horreur de la situation. Elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle et n'apercevant plus le berceau. « Où est Jeanne ? » demanda-t-elle. « Sois sans crainte, » dit Hector. « Elle ne court aucun danger. »« Je veux qu'on la ramène ici, » reprit sa femme. « Je le veux, entendez-vous ? Sinon j'éveille tous les serviteurs du château et je les appelle à mon aide pour la reprendre. » « Libre à toi. » Je serai arrêté et condamné. » Angèle Maréchal tressaillit. L'image de sa fille se dressa devant elle, et en même temps, elle vit celui qu'autrefois elle avait tant aimé, le père de sa chère Lucienne, arrêté comme complice d'un rapt, précédé d'un assassinat, et pour ces deux crimes, jeté dans une prison dont il ne sortirait que pour mourir d'une mort infamante. Et puis encore, elle pensait avec épouvante à ce qu'elle répondrait à sa fille, qui lui demanderait plus tard ce qu'était devenu son père. Lui répondra-t-elle, je tenais son honneur et sa vie dans mes mains. Volontairement, je l'ai livré au bourreau. De notre côté, en reportant sa pensée sur la duchesse de Clodion, qu'il avait recueillie et laquelle elle était redevable de l'existence de son enfant, une voix intérieure, la voix de la reconnaissance et du devoir, lui commandait d'arracher Jeanne des mains des ravisseurs, à quelque prix que ce fût. Brisée par cette lutte de deux sentiments contraires, elle murmura. « Mais que veut-on faire de la fille de la duchesse ?»« Il ne lui sera fait aucun mal, je te le jure, » répondit Hector, « et moyennant une grosse somme, on la rendra à sa mère. »« Ainsi c'est pour de l'argent que vous êtes devenu complice de deux crimes abominables, » repartit Angèle. « Ah !» répliqua le vicomte, « le ciel m'est témoin que j'ai eu la main forcée sans cela, je ne me serais pas fourré dans un tel guépier. » Ces paroles et l'accent avec lequel elles étaient prononcées paraissaient si sincères que la malheureuse jeune femme n'hésita pas davantage. À cause de notre enfant, je ne vous dénoncerai pas, si criminel que vous soyez, répondit-elle, mais à deux conditions. D'abord, vous sauverez la nourrice, s'il n'est pas trop tard toutefois, ce sera un crime de moins sur votre conscience. Quoi, tu veux ? Allons, fais vite, ou j'appelle, j'appelle ! Hector lut dans les yeux d'Angèle Maréchal qu'elle mettrait sa menace à exécution s'il n'obéissait pas, et à moins de la tuer, il se voyait perdu. Il s'approcha de la nourrice qui semblait morte et lui retira son bâillon. « Maintenant, continua sa femme, je ne veux pas qu'on suppose qu'ayant été témoin de l'enlèvement de Jeanne, je ne l'ai pas empêché au risque de ma vie. Votre complice m'a lié bras et jambes, complété son œuvre en paralysant ma voix. Alors seulement, je ne serai pas soupçonné. » Paralyser ta voix, mais comment ? Fit Hector, qui ne comprenait pas. Avec le bâillon de la nourrice, répliqua Angèle. Quoi, tu veux ? Oui. Mais c'est la mort, peut-être. La mort pour vous, oui, si vous refusez. Car devant Dieu, je vous le jure, j'oublierai qui vous êtes, et je crie à mon aide. Le vicomte hésitait. Hâtez-vous donc ! Mais malheureux, on peut venir, et alors tu serais perdu, dit Angèle Maréchal. Sois donc obéi, répondit Hector, tout tremblant d'épouvante, et lui ferma la bouche avec le bâillon de la nourrice. Puis, après avoir jeté un regard effaré sur les trois victimes, il éteignit la veilleuse et courut rejoindre son complice dans le pavillon. La petite Jeanne, toute grelottante de froid, s'était éveillée et pleurait. « Filons et regagnons mon domicile, dit le cormoran. À 5 heures du matin, nous attellerons la charrette de mon voisin et nous porterons le poupon à Sémiramis. » Ils se glissèrent par la brèche et s'enrobèrent dans la tour aux mouettes. Le cormoran se jeta sur sa paillasse et ne tarda pas à s'endormir. Hector s'assit sur une chaise, près du berceau de Jeanne, mais il ne put fermer les yeux. Le souvenir de sa femme le poursuivait. Si en ce moment elle était morte ? Mais non, le chloroforme avait dû perdre une partie de sa force et sa vie ne courait aucun danger. Puis, une autre pensée le préoccupait, l'épouvantait. Poussé dans ses derniers retranchements par la duchesse et dévoré de remords, si Angèle allait le dénoncer. Oh, alors il souhaitait qu'elle fût morte. Le reste de la nuit s'écoula pour lui au milieu de ces transes horribles. À 5 heures du matin, le cormoran était debout. « En route !» dit-il en frappant sur l'épaule de l'ex-ténor. Ils sortirent de la tour et se rendirent à la grange du père Légonidec. Là, le cormoran alla prendre le cheval à l'écurie, l'attela à la charrette, et l'on se mit en route. 6 heures sonnaient à l'église d'Elven, lorsqu'ils aperçurent à mi-chemin de la bourgade la carriole qui contenait Madame Sémiramis et son poupon. « Voici ton nouveau nourrisson, lui dit l'échalas. Soigne-le comme la prunelle de tes yeux, car il représente plus que son pesant d'or. » « On aura l'œil sur le chérubin, fit la boulotte en prenant l'enfant et le berceau. Puis remarquant qu'elle était bleue de froid, « Pauvre petiote, ajouta-t-elle, elle est toute glacée. » Il lui donna le sein, que Jeanne prit avec avidité. « Maintenant, fil dardard, et je te rejoindrai le plus tôt possible, » lui dit son long mari en prenant congé d'elle. La carriole de Sémiramis disparut bientôt au premier détour de la route. « Le tour est joué, » dit le cormoran à Hector de Livran. « Que vas-tu faire ? » ?»« Je vais attendre ici la diligence de Rennes, et à Rennes, je prendrai le chemin de fer pour Paris. » « Moi, je vais ramener la charrette et le cheval, puis je décamperai sans tambour ni trompette. Avant-hier, j'ai annoncé mon départ aux gens du château, et personne ne sera étonné de ne plus me voir puisqu'on me croit parti. » Les deux bandits se séparèrent sur ces mots. Au bout de quelques minutes, la diligence de Rennes passait, et le vicomte montait sur le siège à côté du conducteur. 3 heures plus tard, le cormoran, qui avait réintégré le cheval et la charrette du père Légonidec dans leur domicile respectif, arrivait à Pont-Guillaumet par des chemins de traverse, y déjeunait confortablement, gagnait ensuite pédestrement le village de Roque-Saint-André, puis de là, continua petites étapes sa marche dans la direction de Paris. Nous allons retourner à présent au château de Kerdal pour savoir ce qui s'y était passé après le rapt de l'enfant de la duchesse de Clodion. La nourrice, débarrassée de son bâillon et n'étant plus sous l'influence du chloroforme, avait repris peu à peu connaissance. Elle ne se rendit pas compte d'abord de ce qui lui était arrivé, et il crut qu'elle avait eu un affreux cauchemar. Elle regarda ensuite autour d'elle, l'obscurité était complète. Elle pensa que la veilleuse s'était éteinte. Alors, machinalement, elle étendit la main vers la place où devait se trouver le berceau de Jeanne. Elle poussa un cri, cette place était vide. Toutefois, elle chercha à s'expliquer l'absence du berceau de l'enfant. « Peut-être, se dit-elle, la petite Jeanne, ce sera-t-elle éveillée en pleurant pendant que je dormais ? Madame Angèle l'aura entendue et prise avec elle pour la calmer. » Voulant s'assurer du fait, elle alluma une allumette et à sa lueur vacillante, il lui sembla entrevoir deux corps immobiles sur le parquet de la chambre. Si grande fut son épouvante que l'allumette était tombée de sa main et s'était éteinte. Malgré sa terreur, elle en prit une seconde et alluma une bougie. Elle regarda de nouveau, et cette fois, la réalité lui apparut dans toute son horreur. Angèle Maréchal, garrottée et bâillonnée, était étendue près d'un fauteuil, et à quelques pas, sous le seuil de la porte, gisait Pedro Diaz sans mouvement. Quant au berceau et à l'enfant, ils avaient disparu tous les deux. La nourrice affolée s'élança vers la porte-fenêtre pour appeler, et elle trouva cette porte ouverte et un carreau enlevé. Son effroi allait grandissant. Franchissant leur espace qui la séparait de la cour, elle courut à la cloche qui servait à annoncer l'heure des repas, s'y suspendit et sonna toute volée. Les domestiques réveillés en sursaut arrivèrent bientôt avec des lumières et demandèrent ce qu'il y avait. « Il y a, répondit la nourrice en lâchant la corde de la cloche, que des malfaiteurs sont entrés cette nuit dans le château et qu'après avoir assassiné Pedro Diaz et Madame Angèle, ils ont enlevé la petite Jeanne. » Deux cris partis du palier du rez-de-chaussée répondirent à ces paroles. La nourrice et les domestiques se retournèrent précipitamment pour savoir qui avait poussé ces cris. La duchesse et Jean de Clodion, pâles comme la mort, étaient devant eux. Quelques mots suffiront pour expliquer la présence de Fernande et du duc Jean sur le lieu de désolation. La duchesse, on le sait, veillait cette nuit-là auprès de son oncle. Au bruit de la cloche secouée à tour de bras par la nourrice, le marquis de Kerdal, qui menait de s'endormir, s'était brusquement éveillé. « Qu'est-il donc ? » dit-il à sa nièce. « Il me semble avoir entendu sonner. » Fernande, surprise et effrayée d'un tel vacarme au milieu de la nuit, mais voulant cacher ses alarmes au malade, lui répondit qu'il s'était trompé. « Ainsi, tu n'as rien entendu ? Rien, mon oncle. Alors c'est que j'aurais rêvé. » Et comme le bruit de la cloche ne s'était pas renouvelé, il replaça sa tête sur son oreiller et ses yeux se fermèrent presque aussitôt. Dès que la duchesse le vit endormie, elle se leva avec précaution et gagna la porte. Mais lorsqu'elle fut hors de la chambre du marquis, elle s'élança comme une folle dans l'escalier au milieu de l'obscurité, et arrivée au bas, elle tomba, pour ainsi dire, dans les bras du duc Jean qui, lui aussi, réveillé en sursaut par le bruit de la cloche, s'était promptement habillé et accourait pour savoir ce qui se passait. « Mon enfant, ma fille enlevée !» s'écria Fernande en se précipitant vers la nourrice. Celle-ci, comme pétrifiée par la présence inattendue de la duchesse, demeura sans voix. « Répondez, répondez donc !» lui dit Jean en la saisissant au bras. « Jeanne était près de vous. On a pu l'enlever sans que vous ne vous en soyez aperçu. Mon Dieu, je ne sais comment tout cela s'est passé, monsieur le duc !» balbutia la malheureuse femme. « Je ne puis donc vous le dire. J'ai eu comme un horrible cauchemar pendant lequel il me semblait que je mourrais peu à peu. » Puis, quand je me suis éveillée, le berceau et l'enfant avaient été emportés et Madame Angèle et Pedro étaient étendus morts dans ma chambre. » La duchesse, en entendant ces mots, tomba évanouie. Jean de Clodion la prit dans ses bras, la transporta chez elle et, après l'avoir confiée aux soins de deux servantes, il se rendit en toute hâte à la chambre de la nourrice, suivi des autres domestiques. Le spectacle qui se présenta à leurs yeux leur arracha à tous un cri d'horreur. Le duc lui-même ne put se défendre d'un mouvement d'épouvante. Ce premier mouvement de terreur passé, Jean de Clodion fit enlever de la bouche d'Angèle le bâillon qui avait amené la suffocation et couper ses liens qui emprisonnaient ses membres, puis, courant à Pedro, il se pencha sur lui et l'examina attentivement. Le corps du Texien ne présentait aucune trace de blessure, seulement sur le sommet du crâne, le cuir chevelu avait été fendu et le sang s'était coagulé dans les cheveux. Le jeune duc demanda des ciseaux, coupa les cheveux à l'endroit de l'ecchymose, puis il lava la plaie à grande eau. Ce traitement si simple eut un plein succès. La figure pâle du Texien se colora légèrement, et son corps eut comme un tressaillement qui annonçait qu'avant peu, il aurait recouvré toute sa connaissance. D'un autre côté, les soins donnés à Angèle Maréchal n'avaient pas tardé à produire des résultats favorables. Les liens qui comprimaient ses bras et ses jambes ayant été coupés, le sang avait repris son cours ordinaire et sa respiration, gênée par le bâillon qui la suffoquait, lui était revenue. Elle poussa un profond soupir et ouvrit les yeux. En ce moment, la duchesse, remise de son évanouissement, entra dans la chambre. « Mais vous qui étiez là, dit-elle à Angèle, savez-vous ce qu'on a fait de ma fille ? Qui donc prétend que je connais les ravisseurs ? Murmura Angèle Maréchal, dont les idées s'agitaient confusément encore dans son cerveau. « Personne ne dit que vous connaissez ceux qui m'ont ravi mon enfant, » répondit Fernande. « Je vous demande seulement si vous avez vu ces misérables et si vous pouvez donner leur signalement afin qu'on court après eux et qu'on les arrête. » Ces paroles rendirent à Angèle toute sa lucidité d'esprit. « Madame la Duchesse, j'étais dans ma chambre lorsque j'ai entendu un bruit suspect qui parlait de celle-ci. Je suis accouru et tout aussitôt j'étais garrotté et bâillonné. » Angèle s'indigna intérieurement de mentir à sa bienfaitrice, mais le salut et l'honneur du père de sa chère Lucienne lui commandaient ce mensonge. « Mais vous avez dû voir les ravisseurs pendant qu'ils vous garrottaient, » reprit Fernande. « Je ne les ai pas vus, madame la Duchesse, » répliqua la malheureuse femme. « Et c'est facile à comprendre, » dit la nourrice, venant sans s'en douter en aide à Angèle Maréchal. « Les bandits avaient éteint ma veilleuse, et lorsque j'ai repris connaissance, j'étais obligé d'allumer une bougie. »« Rien, je ne saurais donc rien, » murmura Fernande avec désespoir. Cependant, Pedro Diaz était complètement revenu à lui. Interrogé à son tour, son récit fut en tout point conforme à ceux d'Angèle et de la nourrice. Il avait cru entendre un cri partir de la chambre de cette dernière, et alors il était accouru. Dans la pénombre, il avait entrevu, lui tournant le dos, un homme qui se dirigeait vers le berceau de Jeanne. Il avait voulu se précipiter sur lui, mais il était tombé sur le seuil de la porte, frappé par un second bandit dont il ne soupçonnait pas la présence et dont il n'avait pu distinguer les traits. « Je ne vois qu'une chose à faire, » dit le duc Jean, « c'est d'informer le plus tôt possible le parquet de Vannes du triple attentat qui a été commis. » Angèle Maréchal eut un tressaillement qui fut remarqué de Fernande. « Ne partageriez-vous pas cet avis ?» lui demanda-t-elle. « Il ne m'appartient pas, madame la Duchesse, d'approuver ou de désapprouver, monsieur le duc, » répondit Angèle. « Toutefois, n'est-il pas à craindre que les auteurs du rapt, s'ils se sentent traqués de trop près, ne se défassent de Jeanne afin d'anéantir la preuve de leur crime ?» Cet argument fit une vive impression sur la Duchesse. « C'est vrai, et pourtant je dois chercher par tous les moyens possibles à retrouver ma fille. Mon Dieu, que faire ? Que faire ?» À peine achevait-elle de prononcer ces mots que le jardinier entra comme une avalanche avec un papier à la main. « Une lettre que je viens de trouver dans le pavillon et qui vous est adressée, madame la Duchesse, » dit-il à Fernande. Fernande prit vivement la lettre et un geste d'étonnement lui échappa. « Qu'est-ce donc ? » demanda Jean. « Boyer, » fit-elle. La souscription et l'intérieur de ce billet étaient formés par des lettres imprimées, découpées et rapprochées l'une de l'autre. « Voilà qui est étrange, » dit le duc. Le billet était ainsi conçu. « Madame la Duchesse, votre fille ne court aucun danger. Elle vous sera rendue à certaines conditions qu'on ne peut vous faire connaître qu'à Paris. » « Tout s'explique, » dit Jean de Clodion. « Ces habiles coquins ont eu peur de se compromettre en écrivant eux-mêmes. Ils se sont servis de caractère d'imprimerie. » La Duchesse poursuivit sa lecture. « On vous engage, en conséquence, à vous trouver dans 10 jours à votre hôtel de l'avenue Gabriel, et là, vous apprendrez ce qu'on exige. » « On croit devoir vous prévenir que si vous faisiez intervenir la justice dans cette affaire, votre fils sera jamais perdu pour vous. » La prévision d'Angèle Maréchal se trouvait, on le voit, complètement justifiée. La lecture de cette lettre ramena l'espérance dans le cœur de la pauvre duchesse. Le rapt de sa fille était, elle le comprenait bien, une spéculation ignoble faite sur sa tendresse maternelle. Mais que lui importaient les sacrifices qu'on lui demanderait, pourvu que sa chère Jeanne, dont elle s'était crue séparée pour toujours, lui fût rendue. Toutefois, plus d'un nuage venait assombrir la joie qu'elle ressentait. C'était d'abord ce délai qu'on lui fixait pour la remise de son enfant. Vivre 10 jours loin de sa fille lui semblait au-dessus de ses forces. Puis elle tremblait que la justice n'intervînt dans les événements de cette épouvantable nuit, car alors elle se voyait menacée de perdre Jeanne sans retour. Malgré l'ordre qu'elle avait donné à tous ses serviteurs de garder un silence absolu sur ce qui s'était passé, un brigadier de gendarmerie, en tournée avec un de ses hommes, eut vent de la chose et se rendit immédiatement au château pour s'assurer du fait et dresser procès-verbal s'il en était besoin. Au moment où le brigadier suivi de son gendarme entrait, la duchesse et Jean de Clodion achevaient de raconter au marquis de Kerdal, qui se levait pour la seconde fois, le triple attentat de la nuit et lui montrer la lettre trouvée dans le pavillon. Fernand et Jean auraient voulu épargner cette douleur au vieux gentilhomme, mais il leur avait été impossible de lui cacher l'affreuse vérité. En effet, depuis que son oncle gardait la chambre, la duchesse lui amenait tous les matins sa petite Jeanne à embrasser. Or ce jour-là, le marquis n'ayant pas vu l'enfant, avait demandé pourquoi, et Fernand, à bout de raison, avait fini par lui apprendre, au milieu de ses larmes, que sa fille était enlevée. Le digne gentilhomme, assis dans un grand fauteuil près de sa fenêtre, lâcha, en apercevant les blufflèteries des gendarmes, un de ces gros jurons qu'il réservait pour les grandes circonstances. La duchesse pâlit. Jean de Clodion ne put comprimer un mouvement d'effroi. « Remettez-vous, mes enfants, dit le marquis, c'est moi qui prendrai la parole. » Un domestique, tout effaré, accourut, et annonça au convalescent que le brigadier demandait s'il pouvait lui parler. « Qu'il vienne, dit l'oncle de Fernande. » Quelques instants plus tard, le brave sous-officier, qui ne se doutait nullement de la complication terrible qu'apportait son arrivée, fit son entrée avec l'air solennel que lui commandait la gravité des événements. Après avoir adressé un salut militaire, il ouvrit la bouche pour parler, mais comme la phrase qu'il cherchait ne venait pas, il réitéra son salut. « Bonjour, Richer, lui dit le vieux gentilhomme, quel bonbon vous amène ?»« Je crains bien, monsieur le marquis, que ce n'en soit un mauvais, répondit le brigadier. Et si c'est ce qu'on m'a raconté en route est véridique, me voici tout prêt à consigner la chose dans un procès-verbal rédigé en bonne et due forme. » Le marquis de Kerdal comprit qu'il était impossible de garder le silence sur les faits de la nuit. Dès lors, il n'avait qu'un parti à prendre, c'était de tempérer le zèle un peu trop chaleureux du sous-officier. « J'avais d'abord l'intention de vous faire prévenir, mon brave Richer, reprit-il, mais après réflexion, j'ai préféré ne pas ébruiter l'affaire, dans la crainte de donner l'éveil aux coupables, car je suis sur leur piste. « S'il en est ainsi, monsieur le marquis, répliqua le bouillant gendarme, indiquez-moi la route qu'ils ont suivie, et avant la fin de la journée, je les aurai pincés. J'ai justement sur moi une paire de menottes première qualité. » « Là, là, modérez votre ardeur, mon excellent brigadier, dit le vieux gentilhomme en souriant. Trop de précipitation gâterait tout, et je veux auparavant référer à monsieur le procureur et au juge d'instruction. » Richer, qui avait flairé une occasion d'avancement, s'il menait à bonne fin cette grosse affaire, éprouva un vif dépit de se voir mis de côté. Mais le marquis de Kerdal était un de ces gros bonnets avec lesquels il fallait compter, et il se borna à lui demander s'il devait prier l'autorité judiciaire de se rendre au château. « C'est inutile, mon brave, répondit l'oncle de Fernande, car je me propose d'aller à Vannes aujourd'hui même. Mais je n'attends pas que vous soyez venu ici pour rien. Je vais donner l'ordre qu'on vous serve à déjeuner à vous et à votre gendarme. Pendant ce temps-là, vos chevaux se reposeront. » La perspective d'un repas plantureux jeta un baume sur le désappointement du brigadier, qui, après avoir remercié chaudement le marquis, s'en fut rejoindre son gendarme, et mettant toute hiérarchie de côté, il l'invita cordialement à partager son déjeuner. « mon Dieu !» dit Fernande avec désespoir, aussitôt après la sortie de Richer. « Ce que je redoutais est arrivé. La justice va être saisie du crime, et ma fille, ma chère Jeanne, perdue, perdue pour moi, je ne la reverrai plus, ces misérables la tueront. « Mon enfant, répliqua son oncle en lui prenant les mains, rassure-toi, je t'en conjure. Je vais écrire sur le champ au juge d'instruction et j'obtiendrai de lui qu'il ne fasse rien avant que je l'aie vu. » Ces paroles, sans détruire complètement les craintes de la duchesse, apportèrent toutefois un peu de calme dans son esprit. Trois jours plus tard, le marquis de Kerdal, entièrement rétabli, faisait atteler ses chevaux et se rendait à Vannes. Mais l'espoir qu'il avait laissé entrevoir à la pauvre mère ne devait se réaliser qu'à moitié. La justice, on le sait, ne peut désarmer même en présence de considérations personnelles, si sérieuses qu'elles soient, et l'instruction était déjà commencée. Tout ce que le vieux gentilhomme put obtenir du magistrat instructeur, ce fut qu'on conduirait les poursuites judiciaires avec une lenteur prudente, afin de laisser aux ravisseurs le temps de rendre la petite Jeanne. « Ce chantage vous coûtera cher, lui dit le magistrat, et peut-être aurait-on pu vous épargner un sacrifice pécuniaire énorme en activant les recherches. « La question d'argent n'est rien, la vie de l'enfant est tout, » répondit noblement le marquis de Kerdal. Le lendemain de cette visite, le marquis, la duchesse, Jean de Clodion, Angèle Maréchal et Pedro Diaz, guéris de sa blessure, se mettaient en route pour Paris où la petite Jeanne devait être rendue à certaines conditions qu'on ne tardera pas à connaître, mais qui, selon toute apparence, seraient exorbitantes. 4 jours s'étaient écoulés depuis l'enlèvement de l'enfant. Il ne restait donc plus que 6 jours à attendre. Mais que d'événements pouvaient se passer pendant ces 6 mortels jours? Si Jeanne, déjà souffrante, allait mourir? Toutes ses pensées, toutes ses craintes venaient à toute minute assaillir Fernande, mais elle les renfermait courageusement dans le fond de son cœur, et elle montrait un visage souriant afin de ne pas désespérer ceux qui l'entouraient. Elle n'eut qu'un seul moment de défaillance, ce fut lorsqu'on entra dans Paris. Elle se pencha à l'oreille de Jean de Clodion et elle lui dit tout bas, en lui pressant fiévreusement la main, « Si dans 6 jours je n'ai pas ma fille, je m'en retournerai à Kerdal par le chemin que nous venons de parcourir, mais je serai enfermé dans un cercueil. »